fleur. Elle était belle hier, le soleil l'a brûlée. Il venait chaque jour la voir à la même heure. Mais le temps qui s'écoule a fini par gagner. J'ai vu ce papillon battre très fort des ailes, comme s'il pouvait la faire revivre un peu. Et puis tout doucement se poser sur la pelle, attendre sans bouger un signe ou un adieu. Et puis soudain dans l'air, comme un souffle, une brise est venue faire plier la fleur sous sa puissance. Le papillon si soulevant lâcha prise et reprit son envol ainsi que son errance. Je le voyais passer allant de fleur en fleur, comme s'il recherchait une même promise, ayant le même arôme emporté par la brise, où il pourrait poser ses gestes cajoleurs. Emporté par le vent, il redoublait d'efforts, revenant chaque fois qu'un souffle l'emportait. Chaque fleur et puis recommençait, mais chaque battement d'aile semblait sceller son sort. Après avoir enfin fait le tour du jardin, il vint se reposer à nouveau sur sa belle. Elle a tout doucement repliant ses ailes, je l'ai vue s'endormir. J'ai vu un papillon pleurer sur une fleur. Elle était belle hier, le soleil l'a brûlée. Il venait chaque jour la voir à la même heure. Mais le temps qui s'écoule